De ventouse posée sur l'âme dont la crotte est courte comme un vitriol jusqu'aux bornes derrière, du sensible jusqu'aux bornes derrière, du sensible. Oh, my God.